a jobé toute la nuit. Regarde les yeux qu'on a. On a tous misé sur la zik. Je crois bien que c'est tout ce qu'on a. Je suis dans mon monde soube magique. J'ai arrêté le canard. Dans la villa on est tous gazés. Je sens le parfum Prada. Toute l'année cagoulé au rasé. Il a pris plein de la bourgeoisie. Et son destin il a pas choisi. Moi je suis la street et la courtoisie. Toute l'année cagoulé au rasé. Il a pris plein de la bourgeoisie. Et son destin il a pas choisi. Moi je suis la street et la courtoisie. En Inde et la famille, tu sais que je rentre pas l'année. Direct sans les îles, moi j'aimerais m'en aller. Classique sur classique, la concu est fanée. J'ai juré sur ma vie, faut que je le sois comme dans la vie. Je me suis désabonné, j'sais que ça m'en dit dans la tête la monnaie. Je réponds même plus quand je vois mon tel sonner. Ça te trahit, ça te fait passer pour le mauvais. Sans maquillage, je peux mourir d'une balle, d'un accident ou bien d'un crash comme Alia. J'ai des petits blèmes mais je m'inquiète pas, je sais que tout se règle tant que tu n'y as. Je viens de piller avec mon amour, t'es mon bébé, t'es ma poupilla. Ma poupilla, ma poupilla, ma poupilla, ma poupilla. Pour toi je fais la guérilla, pour toi je fais la guérilla. Ma poupilla. Faut pas bailler, je regarde pas quand je paye mon loyer. Faut se tailler, gros ça y est. Faut la sécu devant mon foyer. Pour la vie.